Bonjour à tous, vous êtes sur le 89.5 avec Radio Duo. Vous écoutez Cours Titi, le vieux monde est derrière toi. Pour cette dernière émission de l'année scolaire, on a choisi un petit thème qui est sur le futur. Comment tu te vois dans 10 ans? Et pour parler de tout ça, je suis avec Delia à la régie, Cassandre, et on a aussi trois invités. On a Éléonore. Bonjour. On a Peter. Bonjour. Et on a Alan. Salut, salut. Mais avant d'aborder avec eux cette question du futur et de l'avenir, on va écouter une petite musique que nous a choisie Cassandre. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, puisqu'il s'agit de notre dernière émission avant l'été, j'ai choisi de vous passer Mi Gustas Tu de Manu Chao, un tube international que vous connaissez déjà sûrement, sorti en 2001. C'est léger, ça sent la plage, la musique à Cuba, les vacances. Alors on écoute tout de suite ensemble Mi Gustas Tu. De la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Merci beaucoup, Cassandre, pour cette petite balade estivale entraînante, bien classique. Et puis je vous propose de démarrer un petit peu les questions. On va entrer un peu dans le vif du sujet avec une question un peu générale. Avec quand tu penses à l'avenir, tu penses à quoi ? Donc Peter, je t'invite à commencer. À quoi tu penses quand tu penses à l'avenir ? En toute honnêteté, quand je pense à l'avenir, je pense à ce que je vais faire tout d'abord demain, mais surtout à comment je vais terminer plus tard, quelles seront les prochaines étapes qui vont m'attendre, les prochaines sensations, les prochaines difficultés peut-être, parce qu'il y en aura forcément, mais surtout à quel but j'ai envie d'atteindre, quel objectif je me fixe, et surtout je vais tout faire pour y arriver, donc... Pour moi, l'avenir, c'est vraiment accomplir ses objectifs sur le long terme et peu importe les difficultés, tout faire pour y arriver. Alan, toi, t'en penses quoi ? Qu'est-ce que je pense de l'avenir ? En fait, moi, je vois ça plutôt comme un truc un peu, une petite dualité. Tu vois, t'as l'avenir que toi, tu vas vivre, toi, tes propres expériences que tu vas faire, où tu vas voyager, que tu vas rencontrer, mais aussi l'avenir en général, l'avenir global du monde. Et en fait, avec ce qu'on voit, ce qui se passe aujourd'hui, on met de plus en plus en question nos perceptions qu'on a de l'avenir. En fait, on ne sait pas de quoi il sera fait. Et c'est un peu terrifiant. Et en fait, ces deux avenirs viennent s'entremêler pour moi, je trouve. Et je trouve ça un peu déstabilisant. En fait, on n'arrive pas à se projeter. Enfin, moi, je n'arrive pas à me projeter. Je sais ce que je veux faire, mais est-ce que je pourrais le faire, ça, c'est autre chose. Voilà. Et toi, Eleonore ? Alors, moi, quand je pense à l'avenir, je pense à la fois à l'année prochaine, dans l'école où j'ai été acceptée, qui est d'ailleurs l'école de mes rêves. Donc je pense à mon quotidien futur, aux personnes que je vais rencontrer, aux futures expériences que je vais avoir. Mais un peu comme l'a dit Alan aussi, je pense à l'avenir du monde, mais à l'avenir du monde, à l'avenir de la planète et de l'humanité en général. Parce que au-delà justement de la situation actuelle qui est compliquée, je trouve... Je pense qu'il y a aussi, dans des centaines de milliers d'années, qu'est-ce qui restera de l'humanité, qu'est-ce qui restera du monde. Et je trouve aussi que c'est un peu effrayant. Et vous, où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans ? Alors, en toute honnêteté, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Moi, j'espère pouvoir réussir mes études comme je l'entends, pouvoir mener une vie plutôt décente. Après, moi, ce que j'espère dans 10 ans, c'est que, à part mon quotidien qui aurait évolué avec de nouvelles notions, sûrement un métier, hein, ce serait parfait. Mais j'espère garder toujours le même groupe de potes, les mêmes soirées, tout pareil. Parce qu'en soi, quand on dit profiter de sa jeunesse, je vois pas pourquoi on devrait limiter ça à notre jeunesse. Si on pouvait le garder toute notre vie, ce serait génial. Après, comme on a déjà parlé Alan ou Eleonore, en effet, notre futur ne dépend pas seulement de nous. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Donc déjà, moi, je vais tout donner individuellement pour, dans 10 ans, me trouver dans une situation la plus propice possible. Puis après, on verra comment tout ça se mènera d'un point de vue plutôt collectif. Quant à moi, en vrai, j'ai une vision plutôt... optimiste de mon avenir, enfin personnel en tout cas. J'imagine un peu partout, à vagabonder un peu partout, sans maison. Arthur Rimbaud va aller. Au Tibet, sur un voilier dans l'Atlantique Nord, je sais pas, un peu partout, j'aimerais bien un peu voyager. Même si, en fait, j'aimerais bien ne pas avoir de maison, quoi. je sais que ça va être bizarre, mais j'aimerais bien ne pas avoir être bloqué. Bah déjà, je serais pas ici. C'est sûr. T'aimes pas Saint-Etienne ? Ah non. Enfin, c'est une bonne ville, il y a des bonnes personnes, mais on se sent vite étouffé dans toutes ces montagnes à côté. Et c'est cette colline. Mais cette colline. Oui, on dirait qu'elle se rapproche de jour en jour et qu'elle va finir par m'écraser. Je sais pas. Voilà. Ok. Et toi, Eleonore, t'en penses quoi ? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Dans 10 ans, si tout se passe bien avec mes études, je veux faire des études de vétérinaire. Et étant donné que les études, c'est 6, voire 9 ans en fonction des spécialités, je me verrais fraîchement sortie ou presque nouvellement sortie de l'école, je me verrais bien justement dans une petite clinique, peut-être dans un domaine rural, à m'occuper des vaches, des moutons, des poulets. J'aurais peut-être rencontré quelqu'un de sympa, j'aurais très certainement des amis. Et ouais, je me verrais bien attaquer la vie professionnelle et vivre un peu ma vie de jeune adulte. Très bien, merci. Alors, comme autre question, quels sont vos espoirs pour l'avenir de la jeunesse ? Comment vous pensez qu'elle va évoluer ? Bah, après, moi, j'ai pas trop d'appréhension là-dessus. Genre, on est une jeunesse plutôt débrouillard, je trouve. Certes, on peut voir quelquefois des choses qui nous font dire « Ah là là, génération perdue », mais en soi, moi, j'ai toute confiance en notre jeunesse. Elle sait comprendre la difficulté du monde qui nous entoure. Elle sait se mobiliser pour ce qu'il y a besoin. Je pense qu'on peut encore accroître cela, parce que moi, je pense que c'est que le début d'une... je dirais pas d'une grande révolution, parce que... Non, mais la jeunesse, aujourd'hui, sait ce qu'elle a à faire. Et j'ai aucun doute sur ce qu'elle peut apporter au monde de demain. Sur l'avenir de la jeunesse, alors j'en ai aucune idée. Bah, je vois ce que veut dire Peter avec cette jeunesse fougueuse qui se bat. Mais oui, en fait, j'aimerais y croire, mais j'ai un peu peur que ça tourne un peu en jeunesse un peu hypocrite qui se bat mais sans vraiment se battre. Et qui se laisse un peu faire, quoi. Voilà. Je sais pas trop quoi dire là-dessus. Moi, la jeunesse, j'aimerais bien être vraiment optimiste par rapport à ça. Et même si je trouve que notre génération, elle se débrouille bien, il y a des gens exceptionnels, etc. Je peux pas m'empêcher de me rendre compte que autour de moi, il y a des gens qui m'inquiètent de plus en plus. Rien que il y a quelques jours, je crois même que c'était hier, il y a eu une tentative d'attentat à Saint-Étienne. Un jeune garçon, justement, a attendu des femmes devant le lycée avec deux couteaux, ayant pour but de les tuer. Et finalement, bah, ça a été déjoué. Mais moi, quand je vois justement l'évolution des outils numériques et en général l'évolution de la jeunesse, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu inquiétée et d'avoir un peu peur de ce que va devenir la génération future. Parce que autant notre génération, elle a grandi avec tout ce qui est réseaux sociaux, donc propagande, etc. Mais c'est arrivé relativement tardivement. On a appris à vivre avec. Autant la génération juste après nous, ils sont nés avec ça. Et j'ai l'impression que beaucoup de monde n'arrive pas à bien gérer. Et selon moi, ça peut vite tourner au vinaigre. Mais je pense aussi que finalement, on finira toujours par s'en sortir. Même si c'est mal parti, je pense qu'on arrivera à surpasser les obstacles. Voilà, c'est surpasser, c'est ce que je cherchais. Est-ce que, un peu plus dans le côté individualiste, est-ce que vos parents, ils sont inquiets pour vous, pour votre futur ? Est-ce que vous pensez qu'ils sont plus inquiets que vous ? Ou est-ce qu'au contraire, ça ne vous inquiète pas et eux non plus ? Est-ce que ça s'annonce difficile ou pas, a priori ? Alors, j'ai envie de dire, c'est vraiment un point de vue générationnel, pour le coup. Ma mère, pour elle, on est tous perdus. On est foutus. Mais du côté, je dirais plutôt de mes grands-parents, eux, ils ont eu beaucoup d'inquiétudes, il est vrai. Mais ils sont pleinement confiants en nos capacités à réussir. Et j'ai pas trop... Bon, après, moi, je les suis parce qu'en soi, chaque génération a connu son lot de changements. Et ils ont toujours su se débrouiller avec plus ou moins de difficultés. Mais je pense que là-dedans, même ils voient, il y a un nouvel obstacle à notre génération avec le numérique, en effet, avec toutes les IA qui se développent. Les réseaux sociaux aussi, qui est un... Je dirais pas un problème majeur, mais si pour les plus jeunes, ça peut être très compliqué, ça peut tourner au harcèlement et tout. Et ça, c'est ce qui inquiète beaucoup nos parents, j'ai l'impression. Même j'en suis sûr. Mais en soi, avec le temps, je sais qu'ils croient en nous. Et que même avec la difficulté, ils seront toujours derrière nous pour nous soutenir. Et je pense qu'ils savent qu'on va y arriver. Donc la question, c'est bien à mes parents, à titre individuel, s'ils se préoccupent, s'ils sont inquiets. Est-ce qu'ils sont inquiets en fait pour le futur avenir pour toi et pour les jeunes? De ce que je sais, mes parents ne sont pas spécialement inquiets de l'avenir, que ce soit de moi ou des jeunes. Ils savent qu'on est, on est des êtres humains comme les autres. Tout le monde grandit, tout le monde apprend à se débrouiller avec le temps. Et je pense que ça ne devrait pas poser de problème, même si on est la génération qui va faire face à beaucoup d'enjeux sociaux, économiques et environnementaux dans les prochaines années. Peut-être que ça va pas marcher, hein, peut-être qu'on va se foirer. Mais mes parents m'ont pas spécialement fait remonter d'inquiétude par rapport à ça, personnellement. Pour mes parents, c'est très particulier parce que déjà par rapport à moi, c'est vraiment des parents poules. Donc ils ont toujours été inquiets et ils seront toujours inquiets. Mais par rapport à mon avenir, je pense qu'ils sont plutôt confiants. Ils ont forcément des inquiétudes par rapport à la manière dont je vais me débrouiller dans mon école et dans ma vie en général. Mais je pense que c'est de l'inquiétude, mais pas par rapport à ma capacité à construire ma vie, plus une inquiétude générale de parents angoissés. Mais je sais par contre qu'ils sont un peu moins optimistes, très certainement, par rapport à la jeunesse en général. Ils sont profs et ils observent depuis des années que à la jeunesse, c'est de plus en plus compliqué, en général, à suivre les cours et même s'il y a toujours des gens qui savent très bien gérer, il y a de plus en plus de jeunes qui ont du mal à suivre le rythme qu'impose la société en général. Et justement, à propos de la société, c'est nous qui allons la construire, la société de demain, parce que ça sera nous, en fait, la société de demain. Et est-ce que vous pensez que vous aurez un rôle important à jouer dans, du coup, la construction de cette future société, cette nouvelle société? Est-ce que vous avez envie de jouer un rôle? Alors, honnêtement, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, même si on refuse plus ou moins en fonction des personnes d'y croire ou alors d'y participer. Mais une société comme la nôtre, c'est une société qui est censée se construire ensemble. Donc il est vrai qu'on a un détachement à la vie politique au sein de notre génération. On a tendance, qu'il y a une tendance qui s'accroît de tendance apolitique. On est de plus en plus nombreux à croire que les politiques, c'est tous des pourris, c'est tous les mêmes. Mais en soi, si on veut vraiment avoir une société qui nous ressemble, qui nous comprenne, c'est à nous de la construire individuellement. Donc oui, je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans la société de demain. Quant à moi, pour ce qui est des rôles à jouer, c'est une très bonne question. Parce que finalement, qu'on le veuille ou pas, on vit avec les autres sur la même planète. On n'a pas le choix, on ne peut pas se soustraire à eux. Et donc, en soi, chacun a un rôle à jouer. Mais j'ai l'impression que c'est une machine dont j'ai pas envie de faire partie, à titre personnel. Okay. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. En fait, j'ai envie de faire chier personne, et que personne vienne me faire chier, que je rencontre des gens et que tout soit cool. Mais je sais que si tout le monde pensait comme moi, on n'irait pas très loin. Je pense. Pour moi, avec le métier que j'ai envie de faire, je sais que je serai régulièrement en contact avec des gens, et notamment dans le domaine rural, dans les exploitations agricoles. Et je sais que, quel que soit le spécialiste de santé, que ce soit un neurochirurgien, un médecin de famille, généraliste ou un vétérinaire, il a un rôle important à jouer dans la société, déjà dans la santé publique, mais aussi discuter avec les gens, prévoir tout ce qui peut se passer. Et selon moi, que ce soit dans la santé ou même en général, tout le monde a son petit rôle. Juste parler avec les gens, donner des conseils, exprimer son point de vue, par exemple à la radio, selon moi, ça participe justement à construire la société. Et ça, c'est cool. Très bien. On est en train d'entrer dans la vie d'adulte. Est-ce que vous pensez que ce sera plus difficile, plus compliqué pour nous que ça l'était pour nos parents ? Plus compliqué, je ne sais pas, parce qu'il y a toujours eu des difficultés dans le passage à la vie adulte et tout. Personnellement, je suis majeur depuis maintenant 5 mois. Certes, je vis encore chez ma mère, mais certes, on a plus de responsabilités, il est vrai. On ne veut pas le croire de suite, mais au final, ça nous tombe assez vite dessus. Mais ce n'est pas pour ça que je me sens overbooké ou... Voilà, non, la vie adulte, c'est quelque chose qu'on peut appréhender, ça je l'entends, mais c'est un passage qu'on sera obligé de passer un jour, et puis en soi, non, je pense pas qu'elle sera bien plus compliquée que celle de nos parents. Certes, la situation dans le monde fait peur, c'est vrai, mais c'est pas le passage à vie adulte qui va faire que... c'est pas ça qui va faire du passage à l'adulte plus compliqué. Ça, c'est quelque chose qu'on intériorise déjà bien avant, généralement, qu'il y a des problèmes et tout. Et c'est une fois dans la vie adulte qu'on pourra mettre plus de moyens en place pour essayer d'arranger tout ça, même si ça demandera un bel effort collectif. Mais pour moi, le passage à vie adulte, non, il n'est pas forcément plus difficile que pour nos parents. Pour moi, je dirais qu'il est à la fois plus dur... et à la fois moins dur, enfin, ça dépend des facteurs qu'on regarde. Je trouve qu'il est moins dur que non, finalement, parce que finalement, si on regarde aujourd'hui l'accès à l'enseignement supérieur, on se rend compte qu'on a une génération avec bien plus de possibilités, bien plus d'aide, d'aménagement fait pour que tout le monde puisse justement accéder au métier qu'il veut, aux études qu'il veut, alors que dans le passé, c'était un univers très patriarcal et très, très racialisé qui permettait pas forcément à tout le monde de faire les métiers qu'ils voulaient. Et je dirais à la fois que oui, ça va être un peu plus dur sur d'autres facteurs, comme les facteurs financiers, par exemple, car nos parents, et même surtout nos grands-parents, ont vécu la fin de la bulle économique, enfin, de la croissance économique presque infinie. Et on se retrouve aujourd'hui avec, pour des jeunes qui veulent avoir un logement, des prix exorbitants qu'on ne peut pas se permettre, tout en ayant des salaires de plus en plus bas, et une inflation de plus en plus forte. Et donc, c'est pour ça que finalement, c'est plus dur que juste un oui et un non, cette question, et mérite bien plus de nuances. Voilà. Moi, je suis plutôt d'accord avec Alan. Et du coup, je vais soulever un autre point, selon moi, qui est intéressant. C'est que personne n'a eu la même vie, personne n'a la même situation, qu'elle soit familiale, économique, etc. Donc finalement... je suis d'accord sur le fait que pour certains, ce sera plus dur, pour certains, ce sera moins dur. Et ça dépend vraiment des personnes et de leur vie. Enfin, ça dépend aussi du soutien de certains parents envers leurs enfants. Ça dépend aussi de l'époque à laquelle on vit. Honnêtement, je pense que c'est... Ça dépend vraiment de tout plein de facteurs et de chaque individu, de chaque jeune qui va entrer dans la vie et de chaque personne qui est déjà entrée dans la vie d'adulte. Et on ne peut pas vraiment répondre de manière très tranchée sur la question. Et un peu plus largement, selon vous, dans 20 ans, qu'est-ce qui aura le plus changé en termes à la fois d'enjeux climatiques, sociologiques, économiques ? Et même à titre individuel, parce que vous m'en avez parlé, qu'est-ce qui aura le plus changé dans 20 ans ? Alors déjà, j'ai envie de dire, au niveau collectif, si on continue sur notre lancée, tout aura changé. Que ce soit d'un point de vue économique, parce qu'il y a une corrélation entre l'économie et l'écologie. On voit que plus la croissance augmente, plus le... climat est en mauvais état. Que ce soit au niveau géopolitique, il y a de plus en plus d'inquiétudes avec Trump, il y a quelques mois, qui voulait annexer la bande de Gaza pour en faire une plage paradisiaque pour les Américains. Que ce soit au niveau de la Chine et de Taïwan, que ce soit au niveau de la Russie et de l'Ukraine, Honnêtement, niveau collectif, je suis pas très confiant parce que nous sommes dirigés par de plus en plus de régimes de moins en moins démocratiques qui tournent à l'autoritaire. Mais individuellement, on est encore dans une société qui tient la route. Donc, personnellement, j'ai pas trop de mal à me voir construire un avenir qui me plaît, qui me correspond. Mais c'est sûr que si je regarde juste individuellement, je pense que ça va aller, mais collectivement, ça va être bien plus compliqué, en effet. Oui. Bah, pour moi, j'espère être plus libre dans 20 ans. Mais d'après ce qu'a dit Peter, ça va être un peu compliqué. Et il a sûrement raison. Et c'est pour ça que je suis un peu inquiet sur l'avenir. Mais on se rend pas compte parce qu'on est là, mais je pense que dans 20 ans, tous les petits changements accumulés au cours des 20 années vont se faire ressentir si on fait une comparaison directe entre aujourd'hui et un point précis dans 20 ans, parce que le climat est ce qu'il est, même nos régimes alimentaires vont changer d'ici une vingtaine d'années, il y aura des nouvelles modes, des nouveaux systèmes de production et peut-être des nouveaux régimes aussi qui apparaîtront, et le monde sera peut-être un peu pareil, peut-être un peu plus autoritaire, mais il sera peut-être aussi tout différent, cela dépend des prochains événements, voilà. Moi, dans 20 ans, je verrais bien un essor de la technologie avec les IA, justement, qui prennent de plus en plus de puissance depuis un petit moment maintenant. Bah, je pense que alors, l'IA va amener son lot de problèmes, mais aussi des avancées exceptionnelles. Et je verrais bien des voitures volantes, des nouveaux moyens de transport... Et puis, qui sait, peut-être des villes végétales, un peu comme les projets, peut-être un peu utopiques, qu'il y avait à l'époque pour 2040, même si on voit bien qu'on n'y est pas encore. Mais je ne sais pas. Je me dis que peut-être que nos villes, elles n'auront plus le même aspect, que les choses changeront et qu'à un moment, on se dira « Waouh, c'est le futur !» Mais bon, après, au niveau géopolitique, c'est vrai que... ouais. Ça me paraît un peu moins optimiste. Et dernière question pour vous. Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous êtes anxieux en tant que jeune sur Terre ? Ou est-ce que ça va ? En toute honnêteté, oui. Même si au quotidien, on laisse paraître que tout va bien et tout, parce que, comme on l'a toujours dit, il faut profiter de sa jeunesse. Et en vrai, il est vrai qu'individuellement, on est peut-être un peu égoïste parce qu'on profite de notre côté. On a souvent des petites pulsions de regret quand on pense à tout ce qui se passe dans le monde. Mais c'est vrai que on arrive à culpabiliser à cause de ça. Donc oui, en soi, je suis inquiet parce que le monde va mal et je ne peux pas faire grand-chose. Mais d'autre part, c'est pas ce qui m'empêche de profiter de ma jeunesse, de la vivre à fond. Et même si c'est, on peut considérer ce comportement comme très égoïste, je l'entends, mais j'ai envie de dire chaque chose en son temps, même si le monde n'a pas forcément le temps. Mais pour répondre à la question en toute honnêteté, oui, je suis plutôt inquiet. Okay. Bah pour moi, on peut appeler ça un sentiment d'inquiétude, mais c'est plus un sentiment d'impuissance qu'on ressent, je trouve. Parce qu'il se passe des choses dans le monde, on se dit, mais comment c'est possible que ça se passe, comment ça ne s'arrête pas, et en fait, on peut rien y faire. On est des lycéens à Saint-Etienne, on a beau protester, sortir dans la rue, ça va. Vladimir Poutine ou Netanyahou, ils vont pas dire « Oh non, des lycéens de Saint-Etienne, je vais arrêter, c'est mal ce que je fais. » Et donc, en fait, même nos gouvernements, on dirait qu'ils sont impuissants. En fait, on dirait qu'on peut rien faire à la marge du monde, et c'est ça qui est plutôt inquiétant. Plus que le côté guerre nucléaire, même si ça, c'est aussi une inquiétude, mais ça me paraît un peu une sorte de fantasme de guerrier que de passer d'une guerre nucléaire, parce que je ne pense pas à l'heure actuelle que quelqu'un soit assez fou pour se lancer là-dedans. Moi, je suis profondément inquiète. Je suis, selon moi, un peu fataliste. Mais j'ai l'impression que je ne peux pas faire confiance aux personnes qui sont au pouvoir, et ce, oui. N'importe qui que ce soit. Que ce soit en France, que ce soit n'importe où, j'ai l'impression que je ne peux faire confiance à personne et que les personnes qui ont le pouvoir, qui nous représentent, elles ne me représentent vraiment pas et elles ne représentent pas la majorité des gens que je connais. Et du coup, je me demande comment toutes ces personnes sont arrivées là, comment est-ce qu'elles peuvent contrôler l'entièreté de l'avenir du monde et faire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Du coup, je me dis, si, comme le dit Alan, si finalement personne ne nous écoute, où est-ce que l'avenir va aller? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça me rend inquiète. Et puis même par rapport à ma vie personnelle, j'ai des aspirations, j'ai des envies, mais est-ce que j'arriverai à faire ce dont j'ai envie? Est-ce que je vais être heureuse? Enfin, oui, des inquiétudes métaphysiques. Voilà, quoi, je suis inquiète. Eh bien, merci beaucoup. Vous êtes toujours sur le 89.5 avec Radio Dio. Et maintenant, on va écouter une chanson que Sarah nous a choisie. Et maintenant qu'on est tous déprimés, parce que l'avenir, ça va être vraiment noir, comme on le décrit. Maintenant qu'on est tous déprimés, j'ai choisi de vous passer une chanson qui s'appelle Vamos a la Playa. Ça me fait beaucoup rire de passer cette musique parce que je la trouve très cliché, mais en même temps, elle me fait vraiment... Je sais pas, elle me donne envie de danser. Et ce genre de musique, en fait, c'est cette dynamique de... En fait, j'ai envie de tout envoyer valser et aller me baigner, quoi. Enfin, des fois, j'étais en cours et je me disais, j'aimerais vraiment aller me baigner. Et du coup, j'aurais vraiment aimé le faire. Et avec cette musique, en fond, en fait, cette musique, c'est vraiment cette dynamique de j'ai envie de tout plaquer et de me barrer et faire la fête et passer un bon été. Donc voilà, on écoute tout de suite Vamos a la Playa sur Radio Dio. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Merci beaucoup Sarah, c'était très, très entraînant, j'adore, franchement, on va tous à la plage là, c'est parti, on laisse l'émission en plan, on va se baigner. Dans le fond. Bon, Alors, un peu plus sérieusement, je vous propose, nos chers invités, Peter, Alan et Eleonore, de nous présenter vos petites recommandations vite fait de l'été, si vous avez des suggestions et des conseils pour nos auditeurs. Alors, ma petite recommandation de l'été personnelle, un peu dans le thème du futur et dans un environnement qui, selon moi, est bien poncé, c'est une série d'animation chinoise qui s'appelle Link Click, et donc on suit deux protagonistes, Sheng Xiaoxi et Lu Wang, qui ont chacun un pouvoir, et ils ont le pouvoir de retourner dans les photos et de voir ce qui s'est passé. Oh, et ils vont donc essayer de résoudre des crimes, de répondre à des demandes, et on va se rendre compte qu'effectivement, parfois, le passé, il peut être effroyable, mais que l'avenir, finalement, il dépend que de nous. Et même si justement un des protagonistes, il a envie de changer le passé pour un meilleur avenir, il va se rendre compte au fur et à mesure que finalement, même si le passé, il peut pas forcément être changé, eh ben, on peut toujours faire de son mieux pour rendre l'avenir meilleur. Et donc c'est ma petite recommandation, ça s'appelle Link Click et la saison 3 est sortie il y a pas longtemps. Trop bien, merci beaucoup, en plus c'est hyper dans le thème de l'émission. Ok, bah, imaginez. Un petit village au Japon, le petit village d'Inaba. Vous êtes un lycéen, vous arrivez dans le village, vous êtes un citadin. Et vous arrivez au lycée, dans votre lycée de campagne, il y a une rumeur qui se répand. C'est, apparemment, si tu regardes la télé à minuit, tu te fais aspirer dedans. C'est génial. Et en fait, c'est le début du jeu vidéo Persona 4 Golden. J'ai décidé de vous parler d'un jeu vidéo aujourd'hui parce que j'ai jamais entendu sur Radio Audio une recommandation culturelle de jeu vidéo. Donc j'ai voulu corriger cette inégalité. Tout de suite les grands mots. Et donc en fait, ce jeu vidéo, il explore plein d'aspects de la vie adolescente, comme les relations qu'on a avec nos camarades, la partie d'ombre qu'on cache en nous. D'ailleurs, ce jeu est beaucoup inspiré de la psychanalyse de Carl Jung, les personas, les ombres, la part d'ombre qu'on cache en nous. Et en fait, justement, quand les personnages sont inspirés dans cette télé, leurs copains qui viennent les chercher justement voient justement cette partie d'ombre qui cache aux autres, et en fait ils la battent et ils deviennent justement ensemble plus forts. Et ça atteint plein de sujets des jeunes. C'est un jeu vidéo dans lequel on peut parler avec une trentaine de personnages, entretenir des relations, et c'est vraiment très très intéressant comme jeu, je trouve, qui permet un peu de grandir en tant qu'adolescent. Voilà, Persona 4 Golden sur PS Vita, PC, PS4. Il a été payé pour 200 euros. C'est pas Doéo et sponsorisé. Pas de sponsor sur Radio Dio. Jamais. Eh bien, écoutez, quant à moi, je n'ai pas de recommandations comme un film ou une série. Mais je sais qu'il fait... C'est des étés de plus en plus caniculaires, il fait de plus en plus chaud. C'est parfois difficile de sortir la journée. Nous n'avons pas tous de piscine. Je souffre actuellement de la chaleur. Donc moi, je vous conseillerais plutôt de vous calmer la journée, rester dans un endroit frais. Mais le soir, vivez, sortez, faites-vous plaisir. Que ce soit dans un parc, en boîte, au resto. Bon, on n'a pas tous ces moyens, en effet. Mais calmez-vous, soyez entre potes, profitez de l'été. C'est une des plus belles saisons de l'année. Donc... juste vivez, mais ne vous évanouissez pas à cause de la chaleur. Restez au frais la journée, vivez la nuit. Vous n'êtes pas Batman, mais vous pouvez profiter. Donc, ce sera ma recommandation à moi. Allez, parfait. Merci beaucoup pour vos recommandations pour cet été. On va les appliquer. Bon, jeux vidéo, je ne garantis pas. Comment ça ? Mais donnons leur chance à tout le monde. Dès demain, je fais tout ce que vous m'avez dit de faire. Mais maintenant, on va commencer un peu le débat. Donc, on va parler de ce sujet, du futur. Donc, du futur, que ce soit à votre titre personnel ou alors ce que vous entendez par le futur, en fait, de la jeunesse en général. Parce qu'il peut être très déstabilisant, comme vous en avez parlé dans vos interviews. Voilà. Ouais, alors, je commence un petit peu. J'ai trouvé hyper intéressant tout ce que vous avez dit. Franchement, on a des tonnes de matière, là, avec toutes les réponses aux questions. Et déjà, j'avais envie de revenir sur un truc pour essayer de donner un peu d'espoir. C'est que... Alan, en particulier, je crois que tu disais, qu'il n'y a pas grand-chose à faire face à la marche du monde. Et franchement, c'est vraiment l'impression que ça donne. On est un peu submergé par, euh, par les infos, tous les enjeux géopolitiques, même l'état de la planète, tout ce qui se passe. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire que collectivement, on peut agir et que si on ne nous entend pas et si notre voix ne porte pas, il faut se faire entendre. Et je pense qu'il faut avoir de l'espoir parce que c'est possible, c'est notre monde, c'est notre économie, c'est notre production de nos gouvernements. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. On ne va pas se laisser marcher dessus par quelques milliardaires comme ça, hein. Je suis assez d'accord avec toi et d'ailleurs, j'ai constaté et je pense que beaucoup de gens aussi que en fait il y a vraiment le développement aujourd'hui chez les jeunes d'un sentiment fataliste, c'est-à-dire que on se dit il est déjà trop tard. En fait, c'est qu'on se sent débordé par les catastrophes écologiques, par l'ascension des régimes autoritaires, par énormément de choses et ça peut faire un trop plein. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui justement manquent un peu de cette lueur d'espoir et à juste titre bien sûr parce qu'on se sent complètement débordé et ce ne sont pas nous, en tant que petits lycéens stéphanois qui sont responsables de toutes ces catastrophes, donc on peut vite se sentir débordé et je trouve que ce sentiment fataliste, on le trouve de plus en plus chez les jeunes aujourd'hui. Déjà, j'ai dit que j'étais fataliste un petit peu dans cette interview, mais même si je suis fataliste par rapport à l'avenir en général, je pense que nous, à notre petite échelle, on peut juste discuter avec les gens et avoir notre petit impact, même s'il est petit. Je pense que c'est déjà réconfortant et moi je sais que discuter avec les gens et apprendre des choses aux gens en général, ça me fait du bien et je me dis bah les gens finalement ils sont sympas alors que bon ouais. Parfois j'ai un peu peur. Je vois exactement ce que tu veux dire. Mais oui en fait je me suis sûrement un peu mal exprimé, c'est que non mais vraiment quand j'ai dit que justement on sentait impuissant, c'est pas un appel à ne pas se battre justement. Précise. Mais oui, non, mais c'est vrai. Parce que c'est totalement différent, le sentiment d'impuissance. Et justement, ce qui est beau aussi, c'est justement se battre contre Goliath, contre le grand monstre aussi. Donc voilà, c'est ce que je pensais. Et voilà, je voulais faire mieux me comprendre. Et aussi, c'est vrai qu'en fait, c'est nous, les adultes de demain, qui allons faire le monde. Et donc, si on part directement justement avec ce point de vue, finalement, on va juste laisser la place à des gens un peu plus autoritaire et moustachu quoi. À des leaders. Mais c'est vrai que face à la montée du libéralisme et moult néolibéralisme, ça peut faire peur, ça peut effrayer, mais il y a vraiment, je pense, il y a d'autres façons de vivre et d'autres façons de fonctionner et c'est possible, c'est à notre portée, c'est à nous d'y arriver. Aussi, je pense qu'une autre inquiétude à laquelle va faire face la jeunesse, c'est donc l'évolution de l'intelligence artificielle. Diverses et variées, pas seulement votre petite chatbot sur votre téléphone, toutes les intelligences artificielles. Donc au-delà de théories complotistes où les intelligences artificielles prendraient le contrôle, je parle même pas de ça, mais plutôt d'une augmentation des fake news, parce qu'on peut créer ce qu'on veut grâce à l'IA, mais aussi parce que je trouve que c'est de plus en plus difficile pour les jeunes de penser par eux-mêmes, en fait. On prend très vite l'habitude d'avoir une réponse instantanée. Et aussi d'ailleurs, un autre problème que je vois, c'est aussi que je trouve que l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de personnes, même que je connais, qui conversent, qui parlent, qui discutent, qui se confient à leur intelligence artificielle, et ça peut provoquer très vite un isolement social, en fait. On peut s'isoler, et même être un peu déçu après, peut-être. Voilà. Ouais. Alors, pour revenir à ce que tu viens de dire, moi, je pense que ce problème, il ne se base pas spécialement sur l'intelligence artificielle, mais qu'à la source, ça provient vraiment d'un isolement social qui peut s'accroître avec l'intelligence artificielle. Mais le problème ne vient pas de l'IA en elle-même. Si on reprend le problème à la source, c'est l'individu qui ne se sent pas spécialement bien, enfin en général, et qui va aller chercher des solutions là où elle n'en aurait pas trouvé avant. Je pense qu'un meilleur accompagnement des jeunes, plus de soutien peut aider à contrôler un petit peu ces dérives qui peuvent mener à, comme on l'a vu, des tentatives de suicide, des personnes qui sont amoureuses de l'IA. C'est arrivé. Oui. C'est assez choquant, on peut le dire, mais personnellement, pour ma part, pour votre part ici présent, je ne pense pas que l'IA soit devenue un de vos amis. Peut-être un camarade de classe, c'est possible. Mais pour ma part, je ne vois pas du tout utiliser l'IA au quotidien, encore moins me confier, parce que je me sens bien dans mes baskets, droit dans ma peau. C'est peut-être l'inverse, je ne sais plus. Mais je pense qu'honnêtement, ce problème ne vient pas spécialement de l'IA, mais il remonte avant. Donc, ouais. Je pense aussi que plus largement, il y a vraiment un vrai problème vis-à-vis de l'éducation des jeunes. Et évidemment, je ne parle pas des régimes autoritaires où il n'y a même pas de système éducatif, mais dans les démocraties type France, Allemagne, puis même les États-Unis, la faillite des systèmes scolaires, c'est vraiment un truc qui fait perdre tout esprit critique aux jeunes. Et on n'est plus amené à penser par nous-mêmes, on n'est plus amené à lire, à s'intéresser à des choses par nous-mêmes. Et je pense que c'est vraiment un problème aussi, et c'est ça qui fait que ça va de plus en plus mal. C'est-à-dire qu'il y a des grandes crises climatiques, des modes de production qui sont catastrophiques à la fois pour l'humain et pour la planète. Et on est tellement abêti par les écrans, on n'a plus l'habitude de penser par nous-mêmes, il n'y a plus aucun esprit critique en fait. Et du coup, on a du mal à voir d'autres solutions, à penser en dehors des cases. Moi, par rapport à l'IA, je sais que j'y ai beaucoup réfléchi parce que l'IA, c'est une question qui m'a beaucoup intéressée. Et je sais qu'en fait, le problème de l'IA, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas l'IA le problème en soi, c'est plus l'usage qu'on en fait. Et bah, par exemple, une IA mal utilisée, ça peut faire des fake news. Et par exemple, la manière dont des élèves vont utiliser l'IA pour leurs devoirs, c'est cette utilisation-là qui peut faire que soit l'IA, c'est quelque chose de bien, soit c'est quelque chose de mal. Il me semble qu'il y avait une étude qui avait été menée où justement ils essayaient de voir comment des gens utilisaient l'IA. Et donc ils avaient donné à un groupe l'IA et à un autre groupe pas d'IA, et ils ont vu effectivement que le groupe qui utilisait l'IA, alors le résultat de leur travail était pas génial. Mais par contre, quand ils ont après donné au groupe qui n'avait pas d'IA l'IA, ils se sont rendus compte que le résultat était exceptionnel, que leur activité cérébrale était vraiment augmentée par rapport à la moyenne, et donc ils ont conclu qu'en fait finalement c'est plus l'usage de l'IA qui a de très mauvaises conséquences plutôt qu'elle en général, et on peut justement faire de l'IA une force si on apprend à l'utiliser correctement. Et là justement on rejoint l'éducation, et je pense qu'il faudrait faire des cours pour apprendre aux jeunes, aux nouvelles générations, à utiliser l'IA correctement. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis, mais je trouve qu'il y a un petit problème quand même avec cette IA. C'est que certes, tu peux bien ou mal utiliser, sauf qu'on ne pourra jamais empêcher la mauvaise utilisation des IA. Parce que si quelqu'un arrête de faire son IA qui détruit un peu l'esprit critique, une autre prendra le relais. Et en fait, je trouve que de nos jours, ce qui est vraiment dangereux pour nous, c'est que c'est toutes ces vagues qui arrivent en même temps, que ce soit les contenus courts, les Reels, les Shorts, les TikTok, qui détruisent notre temps d'attention et notre capacité à nous concentrer. À la fois, on se reprend l'IA qui... En fait, on se dit, oui, ça c'est simple, je vais faire avec de l'IA. Sauf qu'on se retrouve au bout d'un temps à être face à ces tâches simples, et on se dit, mais comment on fait déjà ? On se dit, mais je l'aurais fait instinctivement il y a un mois. Et en fait, c'est là où on se rend compte que finalement, tout cet assistanat par la technologie est en fait assez dangereux pour l'homme. Du coup, je reviendrai un peu vers ce que tu as dit, mais moi je suis d'accord qu'en vrai, le problème qui se passe actuellement dans notre société, c'est que nous sommes de plus en plus feignants, il faut le dire. On a eu un tas d'évolutions, un tas de progrès, qu'ils soient techniques, qu'ils soient industriels, sociaux, mais toutes ces évolutions nous ont normalement permis à mener une vie plus décente et non pas plus feignante. Nous sommes aujourd'hui, nous nous reposons sur des choses. Dès que nous avons la flemme, on commande. On peut parler du temps en effet qu'on perd sur les réseaux sociaux. C'est hallucinant. Aujourd'hui, on n'a plus envie de rien faire. On a juste envie de se poser dans notre canapé, pas faire d'efforts. Dès qu'une chose passe, on le croit. Et non, c'est en fait, il faut juste que l'on retrouve la motivation à agir. Parce que si on se laisse le danger de l'IA vient de l'incapacité des gens à se motiver pour dire ah non mais ça c'est pas vrai, ça on a les gens deviennent juste plus feignants et n'ont pas envie d'aller chercher la vérité. Bah justement, je suis pas sûre que ce soit une question de motivation vraiment, parce que en fait, d'apparence, c'est totalement ça le problème, mais je pense que c'est vraiment que les gens ils sont plus capables de voir le problème en fait, et du coup, ce qui peut paraître comme un manque d'effort ou un manque d'intérêt, je pense que c'est aussi un manque de capacité peut-être. Et puis plus largement, on parlait de l'IA pour dire que son usage, ça peut être problématique, mais je pense que c'est la même chose partout avec les économies, les modes de production et même vis-à-vis de notre planète. Tout ce qu'on utilise et la façon dont le futur évolue avec les crises climatiques, par exemple, c'est plus... on ne peut pas dire qu'une chose est bien ou mal en soi, ce serait trop manichéen. C'est vraiment l'usage qu'on fait l'humain, je pense. Et en particulier, l'état de la planète aujourd'hui, suite à la pollution des multiples entreprises et moyens de transport, de commerce, c'est vraiment phénoménal. Oui, parce que moi, à titre personnel, au-delà des dangers de l'IA dont on vient de parler ensemble, en fait, ce qui m'inquiète le plus concernant l'avenir de la jeunesse et le futur de celle-ci, c'est plutôt les changements climatiques qui sont à venir. Déjà aujourd'hui, on peut regarder que dans plein de pays, les changements climatiques empêchent les jeunes d'aller à l'école. Donc ça touche directement la jeunesse. Et au fur et à mesure des années, en fait, on va avoir une augmentation des catastrophes naturelles, ce qui est presque inévitable vu les modèles économiques qui ne se remettent pas en question. Et puis sans même parler que là, on est en pleine canicule à Saint-Etienne. Et on est le 1er juillet. Voilà, donc qu'est-ce que ça va être en août ? Enfin, on voit déjà le changement, donc c'est de la folie. Moi, je sais en particulier que dans ma famille ou mes grands-parents, par exemple, ils sont inquiets vis-à-vis de ça, parce qu'on voit très bien le niveau de la mer, le niveau des océans qui montent, les plages qui rétrécissent, des villages qui disparaissent. La chaleur, la température en plein été, ils me l'ont dit, ils ont peur pour nous en fait, parce que ça va vite être relativement invivable en fait. En Inde, on a atteint les 53 degrés déjà. Waouh, truc de fou. C'est dans ce genre de situation, je me dis que l'IA, ce serait peut-être quelque chose de pas mal aussi, parce que l'IA, elle a accès à l'entièreté des informations de la planète, à toutes les ressources scientifiques disponibles, et peut-être que de très bonnes IA bien entraînées et par des organismes bien gérés, parce que pour l'instant, le problème de l'IA, c'est que l'entièreté des IA, elles sont contrôlées par des particuliers, donc ils récupèrent nos infos, et selon moi, ça, c'est le plus gros problème de l'IA. Mais je me demande si, justement, une IA vraiment gouvernementale, ce serait pas une bonne solution à certains problèmes géopolitiques, un peu comme un deuxième avis, auquel on ferait aveuglément confiance, mais qui aurait une capacité de calcul peut-être plus forte que les humains. Alors, actuellement, utiliser l'IA pour solutionner des problèmes climatiques, c'est combattre le mal par le mal, parce qu'il faut savoir que l'IA... c'est une des choses qui pollue énormément. Ah oui, et chaque demande que l'on fait à l'IA, sans même s'en rendre compte, mais c'est l'équivalent de je ne sais plus de... Litres d'eau, pour refroidir les machines. Et on peut comparer ça à des trajets d'avion qui sont aujourd'hui la principale source de pollution. Donc l'IA, ça peut être certes une bonne solution, mais avant de l'utiliser, il faut savoir comment l'utiliser sainement pour l'environnement. Et c'est aujourd'hui un gros problème parce qu'on l'utilise beaucoup sans se dire qu'en faisant ça, on détruit encore plus la planète. Sans le vouloir, on peut être écolo ou quoi que ce soit, mais juste en utilisant l'IA, bah, ça détruit tous nos efforts. Et de plus, je pense que les gouvernements n'ont pas besoin, selon moi, d'un second avis concernant l'environnement et les politiques à prendre, parce que je pense que tout le monde sait en fait ce qu'il faut faire. Les scientifiques l'ont déjà établi. Je pense qu'on est quand même au courant de ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation de notre planète. Je pense que le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est plutôt qu'on ne veut pas changer. Voilà. Le problème, c'est bénéfice, toujours, et jamais de remise en question des systèmes économiques aussi. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'on ne veut pas dépenser de l'argent. On veut garder la thune. Bon, sur ce, je me permets de vous couper. On arrive à la fin de notre émission, et j'ai choisi de vous passer une petite chanson avant de conclure. J'ai choisi de vous passer Never Let Me Down Again de Depeche Mode, grand groupe d'électro-pop, rock, synth-pop britannique. mythique, emblématique, fantastique, que dire d'autre ? J'aime particulièrement cette chanson qui est une des premières deux que j'ai entendues et qui m'a beaucoup parlé, que ce soit en termes d'amitié, de relations plus largement, du rapport aux autres, et sans même parler des rythmiques et des mélodies incroyables. La voix de Dave Gahan, encore une fois. Bon, je vous laisse écouter. Et bien voilà, on arrive à la fin de notre dernière émission avant la petite pause estivale. On espère se retrouver l'année prochaine, on aura peut-être un créneau les week-ends. Et j'espère que vous nous écouterez toujours, que vous serez toujours intéressés. Et voilà, ça clôt notre émission Court Titi, le vieux monde est derrière toi. C'était sur Radio Dio, le 89.5. On est très contente d'avoir fait cette émission toute l'année. On espère vous avoir intéressé, avoir passé de la bonne musique, vous avoir fait danser derrière vos radios. Et on se dit à l'année prochaine. Bisous, bisous.